السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Donc le sujet que nous allons voir ensemble, cette série de conférences, sera sur les opportunités d'entrer au paradis. Ou on peut l'appeler aussi communément les causes qui permettent d'entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans un hadith dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il dit donc kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. قالوا يا رسول الله ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toute ma communauté entre au paradis sauf celui qui refuse. Et on dit ô envoyé d'Allah, qui refuse? Il répond sallallahu alayhi wa sallam, celui qui m'obéit entre au paradis et celui qui refuse, donc celui qui me désobéit refuse. Donc ce récit prophétique, c'est l'entrée en matière. Et tout ce qu'on va voir après, donc sera le tafsir, sera l'explication de tout ce qu'on peut comprendre dans ce récit. Et parmi les causes les plus importantes de l'entrée au paradis, c'est le tawhid, l'unicité. Là où les prophètes, tous, sans exception, ont appelé à Allah subhanahu wa ta'ala de la même façon. Et les seuls versets du Coran où on retrouve les paroles des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont exactement les mêmes paroles, les mêmes phrases, les mêmes mots, c'est justement dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Al-An'am, Alladina amanu wa lam yalbisu imanakum imanahum bidhulm ulaika lahum al-amn. Donc il dit subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont cru et n'ont pas revêti leur foi de quelque iniquité, ceux-là auront la sécurité et ils seront les bien guidés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, dit bien que dhul c'est shirk. Dhul c'est le shirk, donc le polythéisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était avec l'illustre compagnon Mu'adh, et qu'il lui dit ya Mu'adh, hal tadri ma haqullah ala al-ibad wa ma haqul ibad ala Allah, kultu Allah wa rasuluhu a'lam, qal fa inna haqallahi ala ibadihi an ya'buduhu ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله أن يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. الحديث rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc toujours pour mentionner les vertus de l'unicité et qui sont en plus des sababs pour entrer au paradis, bien sûr qu'ils sont les premiers sababs les plus importants pour entrer au paradis, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh, ô Mu'adh, connais-tu le droit d'Allah envers ses serviteurs et connais-tu le droit de ses serviteurs envers Allah? Il dit, donc il répond Mu'adh radhiyallahu anhu, Allah et son envoyé sont plus au courant. Il dit le droit d'Allah envers ses serviteurs, c'est qu'il l'adore et qu'il ne l'associe rien en quoi que ce soit. Et le droit du serviteur envers Allah, c'est qu'Allah ne le châtiera pas. Allah ne le châtiera pas celui qui l'associe, qui ne l'associe pas. Allah ne châtiera pas celui qui ne l'associe pas. Et là, c'est un haq qui est wajib. C'est un haq, donc un droit qui est wajib. Allah se l'est rendu obligatoire de ne pas châtier celui qui reste dans l'unicité et qui ne commet pas d'acte de polythéisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours vis-à-vis de l'unicité, il dit « Man qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh » Il a appelé le hadith, donc il dit à la fin du hadith sallallahu alayhi wa sallam « Adkhalahu Allah min ayy abwab al-jannah » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne les deux attestations. Celui qui dit « La ilaha illallah » et que Muhammad est Rasulullah. Et à la fin du hadith, il dit « Allah le fera entrer au paradis d'une des 8 portes du paradis et il choisira celle qu'il veut. » Il choisira celle qu'il veut. Donc l'unicité va te faire entrer au paradis par la porte que tu désires. Par la porte que tu désires. On sait que parmi les 8 portes du paradis, il y a une porte qui se nomme Rayyan, celle dont les jeûneurs vont entrer. Celle dont les jeûneurs vont y entrer. Mais l'unicité, c'est encore plus important. C'est plus fort. Parce que là, c'est pas par une porte que tu vas choisir, mais c'est par 8 portes. Tu n'auras pas une porte spéciale pour toi, mais là, tu auras 8 portes. De par l'unicité. De par l'unicité. Et bien sûr, on mentionne ici, donc, la ilaha illallah, la parole la plus importante. La parole la plus importante. Et cette parole, elle comprend énormément de bénéfices, énormément de valeurs. Et c'est une parole, bien sûr, dont, à partir de laquelle, Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé. Il nous a créé. Il a créé les cieux et la terre. Il a envoyé les livres. Il a envoyé les prophètes. Il a descendu les livres. De par cette parole, les gens seront heureux ou malheureux, au paradis ou en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a à chaque fois envoyé des envoyés pour qu'ils disent qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi la plus grande ni'ma, c'est le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé à ses serviteurs, cette parole La ilaha illallah. Et il dit subhanahu wa ta'ala Donc il vous a parfaitement gracié ou bien donné des grâces de la meilleure façon, celles qui sont apparentes et celles qui sont cachées. Ces dons et ces grâces octroyées de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, apparentes et cachées, et dans le tafsir, Mujahid dit La ilaha illallah. Il dit La ilaha illallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit bien Ni'amahu au pluriel, ses grâces. Et Mujahid cite dans le tafsir La ilaha illallah. Et aussi Sufyan ibn Uyayna mentionne aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyée à ses serviteurs, c'est de leur faire connaître La ilaha illallah. Et si c'est la meilleure grâce, donc c'est la meilleure parole, c'est le meilleur acte, c'est la meilleure chose à faire pour pouvoir entrer au paradis. Puisque c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est la meilleure grâce. Et aussi, bien sûr, c'est une bonne parole. On l'appelle Al-Kalima Al-Tayyiba. Al-Kalima Al-Tayyiba. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous l'a cité en parabole. Nous cite cette parole en parabole. Lorsqu'il dit, subhanahu wa ta'ala, Alam tara kayfa daraballahu mathala kalimatan tayyibata kashajaratin tayyiba aslaha thabitun wa far'uha fis sama. Ne vois-tu pas comment Allah cite en parabole, en donnant l'exemple d'une bonne parole qui est comparable à un bon arbre. Ses racines sont sûres, sont ancrées, et ses fruits sont, ou ses soubassements sont vont vers les cieux, vont vers les cieux. Tutti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha. Elle donne de ses fruits à tout moment de la grâce, par la grâce de son Seigneur. وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Et Allah cite en parabole aux gens, cite des paraboles aux gens, en espérant qu'ils vont réfléchir, qu'ils vont méditer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné et a appelé cette parole, il a attribué comme si c'était Nahla, cet arbre qui est bien, ce dattier, ce palmier, qui est comparable à une bonne parole. Donc, ses racines, elles sont ancrées, elles sont solides. Donc, c'est un dogme, c'est un tawhid, c'est une aqida qui est solide et qui porte des fruits. Et ces fruits, ce sont les actes. Ce sont les actes qui vont découler de cette parole. Et ces fruits vont être donnés tout le temps. Et ça, c'est le croyant. C'est-à-dire que le croyant, il est profitable. Il est profitable déjà pour lui-même, il va profiter de ce qu'il va apprendre déjà premièrement pour lui-même, et il reste profitable pour les autres. Il est bon envers les autres. Il est profitable. Les gens, quand ils le voient, quand les gens voient un vrai croyant, ils sont heureux de le voir. Ils savent qu'ils vont profiter de lui, que ce soit dans la science ou dans autre chose. C'est pour ça qu'Allah dit, il porte, il donne de ses fruits tout le temps, de la part de son Seigneur. Ça, c'est pour ne pas oublier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, souvent lorsqu'il cite et mentionne Al-Mukarraboun ou Al-Sabiqoun, il n'oublie pas de dire que cela est de sa part. C'est que lorsqu'on voit ce qu'a fait Abu Bakr al-Siddiq ou bien Omar ou d'autres compagnons, c'est de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas de même. Ce n'est pas de même. Donc, que dire de nous si on était amené à commettre de bons actes, des actes qui sont pieux? On n'oublie pas que cela vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas de notre intelligence ou de notre force. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé aussi dans cette parole Al-Qawl Al-Thabit. Al-Qawl Al-Thabit. La parole qui va être sûre, qui va être raffermi. Lorsqu'il dit يُثَبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Donc Allah raffermit ceux qui ont cru avec la parole raffermie dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, les Mufassirun mentionnent que c'est dans la tombe, وَفِي الْآخِرَةِ, parce qu'ils vont répondre aux questions des trois anges, les deux anges, نَكِي وَنُكِي, les anges noirs et bleus, lorsqu'ils vont s'asseoir auprès, lorsqu'ils vont être auprès de ce mort et qu'ils vont le questionner sur les trois questions qui sont connues de la tombe. Al-Qawl Thabit, c'est-à-dire La ilaha illallah, c'est-à-dire La ilaha illallah, comme dit Al-Mufassirun. Et c'est aussi Al-A'ad. Cette parole-là a encore comme vertu et comme nom Al-A'ad. Et les savants disent Ziyada fil mabna tadullu ala ziyada fil ma'na. C'est-à-dire que plus on voit que cette parole comprend énormément d'attributs, donc plus son sens est important. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, lorsqu'on dit ziyada fil ma'na, c'est-à-dire plus la chose, on va lui trouver d'attributs, plus cette chose sera importante. C'est comme pour le jour dernier. Les savants ont mentionné, par exemple, pour le jour dernier, 80 ans. 80 ans, rien que pour le jour dernier. Il y en a déjà énormément qui sont cités dans le Coran. Donc c'est l'A'ad. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit La yamilkuna shafa'ata illa man ittakhadha al-rahman ahda. Il ne possède pas d'intercession sauf pour celui qui a pris auprès du miséricordieux un pacte, un acte, un pacte. Ibn Abbas radiallahu anhuma mentionne en expliquant ce verset, il dit Al-A'ad, shahada an la ilaha illallah. Donc c'est ça la shahada dans ce verset. Et aussi, وَيَتَبَرَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ مِنَ الْحَوْلِ وَقُوَّةِ. Il va aussi bien sûr s'innocenter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre la capacité et la puissance. وَهِيَ رَسُ كُلِّ تَقْوَى, il dit. Et c'est aussi la tête de toute piété ou la tête de toute crainte, comme le dit Ibn Abbas radiallahu anhuma. Et aussi parmi ses vertus et ses bénéfices, c'est que c'est Al-Urwa Al-Wuthqa. Donc c'est la hanse la plus solide, c'est l'ancre la plus solide. Et celui qui va s'accrocher à cette hanse sera sauvé, bi'idnillah azza wa jal. Et celui qui va se détacher de cette hanse va périr, wal'iyadhu billah. Lorsqu'il dit, subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ يَكْفُ بِالطَّاغُوتِ وَيُبِدْ بِاللَّهِ فَقَدْ يَسْتَمْسَكَ بِالْعُلْوَةِ الْوُثْقَى. Et donc celui qui mécroit au Tarout, Tarout, c'est tout celui ou tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils agréent ces actes-là, et qu'ils croient en Allah, sera, donc il s'accrochera dans la rance la plus solide. Estemsik. Et Allah subhanahu wa ta'ala a commencé dans ce verset par le fait de se nettoyer de toutes les impuretés du shirk, de se nettoyer de toutes les impuretés avant de parler justement de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi parmi ses vertus et ses bénéfices, c'est que c'est une parole qui dure. Al-Kalima al-Baqiya. Et Ibrahim alayhi salatu wa salam l'a dit. Et Ibrahim, c'est le père des croyants. C'est le père des croyants. C'est le deuxième prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le deuxième prophète le plus important après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa hada bidalil. Wa idh qala Ibrahim لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Donc là, Ibrahim a dit à son père, lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je suis innocent, certes je suis innocent de ce que vous adorez, sauf je ne suis pas innocent, sauf bien sûr donc d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf celui qui m'a façonné de la meilleure façon, celui qui m'a laissé dans cette voie qui est saine, qui est naturelle, car il va me guider et il va faire de cette parole, donc qui est la ilaha illallah, une kalima baqiya, une parole qui va durer, elle va rester, tout sera vain, mais tous ceux qui auront cette parole la ilaha illallah, elle va leur rester. Et vous connaissez le hadith al-bitaqa, hadith al-bitaqa, celui qui a 99 registres, qui ne fait que des péchés, il le voit, il voit qu'il est, donc chaque registre est aussi grand que l'horizon, là où tu vois, là où ta vue s'arrête, c'est grand, c'est énorme, et pourtant les registres vont être pesés, ils vont être pesés dans la balance, et que cette carte va être pesée dans la balance, les registres vont s'envoler, d'où la différence énorme de, justement par rapport à cette parole qui est la ilaha illallah. Mais c'est une parole qui dure et qui reste, et elle est lourde de conséquences. Et c'est aussi cette parole, c'est aussi bien sûr kalimatu taqwa. Donc c'est la parole de piété dont Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire. À qui? Aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit subhanahu wa ta'ala que ce sont les gens de cette parole et ce sont aussi eux qui sont les plus méritoires de cette parole. Donc, à partir du moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et nous met, donc nous prévient lorsqu'il nous dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui ont bien compris cette parole, ce sont ceux qui sont les plus méritoires et ce sont les gens de cette parole, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, à suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a encore une preuve comme quoi il faut suivre dans ce verset les compagnons du prophète lorsqu'Allah dit إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala donc a entré donc dans le cœur de ses croyants, donc al-hamiya, c'est-à-dire le fait d'être borné et de s'accrocher à cette jahiliya, et Allah subhanahu wa ta'ala a descendu la sakina, le repos, la paix dans le cœur, donc a descendu la paix sur le prophète, sur son envoyé et sur les croyants, et leur a rendu obligatoire la parole de taqwa, la parole de taqwa, la parole de piété, et ce sont eux qui étaient les gens les plus méritoires de cette parole, et ce sont eux les gens de cette parole, et Allah subhanahu wa ta'ala est bien sûr savant de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala est savant de toutes choses. Et c'est même pour ça qu'il a fait de eux les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah subhanahu wa ta'ala a regardé dans les cœurs de la communauté et a choisi le meilleur des cœurs pour en faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a choisi les meilleurs, après les compagnons, les meilleurs des cœurs pour faire des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam des a'wan, donc des gens qui vont aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui sont dépositaires de cette religion. Et Amr Ibn Maymoun rapporte que les gens n'ont jamais dit de parole meilleure que la ilaha illallah. Donc Sa'd ibn Uyad donc lui dit: connais-tu qu'est-ce que cette parole? Ou Abu Abdillah, il dit: wallah, c'est la parole de piété dont Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils étaient les plus méritoires et les gens de cette parole. Et on pourrait encore continuer, car il y a encore énormément de bénéfices juste vis-à-vis de la ilaha illallah. Donc on va revenir au hadith vis-à-vis de l'entrée au paradis ou des asbab qui permettent à la personne d'entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi: fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bi dhalika wajha Allah. Certes, car Allah a interdit au feu celui qui dit la ilaha illallah, espérant avec cela la face d'Allah, espérant avec cela la face d'Allah. Et là on voit que il tira wajha Allah, donc c'est l'ikhlas. C'est en ce moment-là l'ikhlas. Donc c'est une des conditions parmi les 7 conditions de la ilaha illallah. Ce hadith est une preuve donc dans l'ikhlas au niveau des conditions parmi les conditions de la ilaha illallah. Et aussi les gens entrent en enfer. Maintenant le contraire du contraire. Donc là on sait que celui qui fait ça, donc ce contraire sera aussi compté. Les gens entrent en enfer s'ils commettent le polythéisme, s'ils font le contraire, s'ils le vont associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont bien sûr entrer au paradis. Il y a des gens qui sont entrés au paradis pour une mouche. Lorsqu'ils lui ont dit: rapproche-toi, c'est rapproche-toi d'Allah. Il a dit: je n'ai rien à me rapprocher, rapproche-toi d'Allah, même si c'est pour, même si c'est avec une mouche. Et il a trouvé une mouche, il l'a égorgée et il est entré en enfer. Lorsqu'ils ont demandé à une autre personne: rapproche-toi, il a dit: je ne me rapproche que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils l'ont tué et cette personne est entrée au paradis. Donc juste avec un acte du polythéisme, une mouche, aux yeux des gens, c'est rien. Le fait de l'égorger aux yeux des gens, ça va paraître vraiment anodin. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est adim, c'est son droit le plus absolu, le droit de l'unicité. Parmi les choses qui font entrer au paradis, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ce rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc les invocations et aussi les doigts, et aussi bien sûr les doigts. Et là, on va parler d'une doigt qui éloigne les gens du shirk, que ce soit le grand, que ce soit le petit, hein, ou bien du kufr aussi, que ce soit le grand, que ce soit le petit. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte à son compagnon illustre Abu Bakr radhiallahu anhu lorsqu'il lui dit: Walladhi nafsi biyadihi la shirkun akhfa min dabib an-namal. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, il y a un shirk qui est plus donc anodin ou bien plus caché que les pas d'une fourmi. Ala adulluka ala shay'in idha fa'altahu dhahaba 'anka qaliluhu wa kathiruhu. Ne vais-je pas te montrer quelque chose que si tu le fais va te partir, va donc sera parti de toi ou va disparaître de toi le peu et ou bien le beaucoup, si on l'a beaucoup. Qal kul Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka liman a'lam. Le hadith rapporté par Al-Bukhari dans Adab al-Mufrad. Et il est authentique, l'a authentifié Al-Albani rahmatullah alayhim jami'an. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, déjà il jure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin de jurer, mais s'il jure, cela va encore bien appuyer la chose. Il dit bien donc que ce shirk, donc qu'il y a un shirk, la politique qui est encore plus caché, moins apparent que le pas de la fourmi. Ne vais-je pas te montrer quelque chose que si tu le ferais, ce shirk qui soit, c'est-à-dire répandu, qui soit abondant ou peu, il disparaîtra. Il dit, donc Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Car il est possible qu'on fasse des actes que on remarquerait pas, qui ne seront pas remarquables chez nous, qui ne seront pas remarqués, et en vérité on aura peut-être commis du riya, de la sum'a sans savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a montré comment il faut faire. D'où justement toujours bien sûr l'importance de l'unicité et le danger du polythéisme. Et parmi les choses qui te font entrer aussi au paradis, qui vont inciter les gens d'entrer au paradis, c'est l'obéissance aux parents. Donc là, on passe de l'acte le plus important qui est sur l'unicité, le dogme, où les savants ont énormément écrit, sur le dogme. Il y a des savants qui passent leur vie à enseigner le dogme, qui reviennent sur les livres, tout le temps, et maintes fois, D'où l'importance, en vérité, de commencer par ça. Si justement on veut, comme le dit frère Abbas tout à l'heure, pour que les cœurs restent vivants, justement, donc il faut ces choses. Et la meilleure des choses à faire, c'est de revenir à l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ceux qui ont goûté à cela le savent. Les gens disent, mashallah, j'ai été maintenant au Hajj, j'ai vu tel et tel chiffre, on voit qu'il y a dans son visage nous, on voit comment l'islam est expliqué de façon facile de sa part, car ces gens ont passé énormément de temps à apprendre, à enseigner et à connaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont revenus sur les livres, ils sont revenus maintes et maintes fois. Donc cette foi qu'ils ont, donc la lumière que vous avez vue en eux, elle n'est pas venue comme ça du jour au lendemain, elle est venue justement à force de labeur et à force du travail. Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc vis-à-vis des parents, وَبِالْوَيْدَنْ إِحْسَانَ, et envers les parents de la bonté. Et ça, c'est le droit le plus important vis-à-vis des personnes. Sachez que l'islam est composé du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et du droit des personnes. Et celui qui veut revenir au droit des personnes, il revient au livre de Cheikh Abdel Malik Hafizullah, Ramdani, min kulli surah fa'ida. Et Cheikh dit que j'ai vérifié dans toutes les sourates du Coran et j'ai toujours vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le droit d'Allah et le droit des humains. Souvent, c'est quelque chose qu'on oublie. Mais le droit des humains, c'est quelque chose qui est trop important. Et Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans chaque sourate. Vous avez par exemple sourate al-Ma'un, justement, où Allah subhanahu wa ta'ala cite bien ses droits et les droits de l'homme dans le Ma'un. Et la sourate qui est avant, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Fali abudu rabba hadha al-bayt, et qu'il adore donc le Seigneur de cette maison. Et donc, bin munasaba, c'est-à-dire que dans le tafsir, il y a aussi des liens entre telle sourate et la sourate qui vient après, même si apparemment il n'y a pas de lien. C'est qu'Allah dit qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, et le tafsir de ce verset revient juste après dans sourate al-Ma'un. Sourate al-Ma'un, c'est le tafsir de ce verset qui est dans la sourate qui est auparavant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, rahma infum thumma rahima infum thumma rahima infum. Donc que son nez soit rempli de poussière, puis que son nez soit rempli de poussière, puis que son nez soit rempli de poussière. Qu'il, on a dit, man ya Rasulallah, qui ou envoyé d'Allah? Il dit, celui qui a rencontré, celui qui a connu ses parents, alors qu'ils étaient âgés, ou qu'il a connu l'un d'entre eux seulement, et qui n'entre pas au paradis. Il dit, falam yadkhul al-jannah, Mais maintenant, c'est pas possible, c'est pas normal de ne pas entrer au paradis alors que tes parents sont vieux, ils sont vivants, ils sont âgés. Parce qu'il te suffit tout simplement d'être bon envers eux, d'être obéissant envers tes parents pour que tu entres au paradis. Quelque chose de simple, quelque chose de naturel, une obéissance qui est naturelle. On va la retrouver, cette obéissance, des fois même chez des gens qui ne sont même pas musulmans. On va la retrouver chez des chrétiens. On va la retrouver chez certains peuples. Hein, on voit que les parents sont trop importants chez eux. Et on voit que nous, des fois, on a justement un délaissement dans ces choses-là, alors que c'est un des points les plus importants dans ta vie. Et lorsqu'il dit que son nez est rempli de poussière, les arabes, lorsque un malheur arrivait ou quelque chose leur affligeait, ils prenaient de la poussière et le mettaient sur leur nez. Ou bien si un ennemi venait à les attaquer, ils prenaient de la poussière et le mettaient à leur nez pour dire, pour que les gens voyaient ça, et ils appelaient les gens, et les gens tout de suite, donc sa meute venait pour l'écouter. Ils savaient que quelque chose de grave arrivait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris cette parole-là, justement vis-à-vis de tellement c'est grave, tellement la chose est grave. Parce qu'il dit, rahma insoum, tellement la chose est grave. C'est ba'dila tout ce que vous voulez, mais de façon vraiment très forte, de façon en vérité qui est vraiment poussée. Qu'il n'entre pas au paradis. Quand elle a juste dit que ses parents, donc il a connu ses parents, il vit, ses parents donc sont encore vivants, il n'entre pas au paradis. Sans donner de détails, tellement c'est clair. Il n'y a pas de détails. À ce moment-là, il n'y a pas de détail. C'est comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, فهجته إلى الله ورسوله. Lorsqu'il dit فمن كانت هجته إلى الله ورسوله فهجته إلى الله ورسوله. Il n'y a pas d'explication. Pourtant, c'est juste, il y a quoi, donc on revoit une répétition. C'est parce que tellement c'est important, il n'y a pas besoin d'expliquer. C'est ça que ça veut dire en arabe. Ça, c'est dans la langue arabe plus belle arabe. Tellement c'est important, il n'y a pas besoin d'expliquer. Tu sais que tu as un jail pour Allah et pour son envoyé. Il n'y a même pas besoin d'expliquer tout ce qui vient derrière. Tellement c'est énorme, tellement c'est illustre. Et en plus, lorsque justement cette poussière, elle était là, lorsque les malheurs les affligeaient, donc ils étaient avilis. Et ils étaient avilis. On sait bien que celui qui est avili, justement, ne trouvera personne pour l'honorer. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'honorer. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par un musulman, la yazdi waladu walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqahu. Donc l'enfant ne sera pas redevable envers, ne sera pas quitte envers son parent, sauf s'il le trouve esclave et qu'il l'achète et qu'il le libère. Il achète son parent et le libère. C'est pas juste s'il achète, parce que s'il achète, donc il sera son esclave à lui. Et il le libère. Il l'achète et il le libère. Il n'y a que comme ça que tu peux être quitte, hein, vis-à-vis de tes parents. Sinon, quoi que tu fasses, tu ne seras jamais quitte. Comme l'histoire de celui qui porte sa mère en partant du Yémen et qui demande est-ce que je suis redevable, qui fait tawaf avec, c'est-à-dire il part du Yémen pour aller faire le Hajj, qui porte sa mère sur son dos, sur lui, et malgré ça, il n'est pas encore redevable. Il n'est pas encore quitte. Ce qui n'en fait, c'est pas encore assez par rapport à tout ce que sa mère mérite. Tout ce que sa mère mérite. Et ça, là, on entre dans une dénomination qui est Al-Sunnah wal-Jama'ah. Ça a un lien. Ça a un lien avec Al-Sunnah wal-Jama'ah. Car si tu te divises de tes parents, si tu te sépares de tes parents, de ta famille, de tes proches, tu vas beaucoup plus facilement te séparer de tes frères, c'est-à-dire de la communauté, et tu peux beaucoup plus facilement justement t'éloigner des gens de la sunna et du consensus. Il y a des gens, donc ça c'est déjà le premier manquement que tu vas faire dans, justement, dans ce qu'on appelle Ahl Sunna ou Al-Jama'ah. Ahl Sunna parce que tu obéis au prophète, ou Al-Jama'ah parce que tu respectes justement le groupe. Et ça commence par justement ces discords qui peuvent arriver dans la famille, et facilement on se sépare d'eux, parce que des fois il y a des petits problèmes qui des fois qui sont à l'origine pas graves. Mais tu vas te séparer de Ahl Sunna Al-Jama'ah si tu commences comme ça. Et il y a des bénéfices aussi dans, toujours vis-à-vis de la famille, donc c'est l'obligation bien sûr de respecter ou de garder les liens familiaux, autres que les parents, enfin les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les frères et sœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit commettrez-vous des obéissances alors que vous détourniez et que vous commettez la turpitude sur la terre et que vous rompiez les liens familiaux. Ceux-là auront la malédiction d'Allah et les aura rendus aveugles, c'est-à-dire sourds, aveugles, et les aura rendus sourds et aveugles. Regardez dans ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala commence par l'Ossian. Il commence par la désobéissance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit après, et que vous détournez, et que vous commettez la turpitude, le fasad, le hard. Croyez-moi que le premier fasad, c'est le shirk. Le premier fasad, c'est al-kulhal al-shirk. Et après, il donne le tafsir de ce fasad. Parce qu'il dit, wa tuqattiru arhamakum. Et que vous rompiez les liens familiaux. Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple le plus flagrant dans là, justement, dans le fait de commettre justement cette turpitude sur cette terre, c'est de rompre les liens familiaux. C'est comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Tanazzalu mala'ikatu ar-ruh. Donc il a rappelé quelque chose de khas à quelque chose de âme, pour montrer l'importance du khas, ruh qui est Jibril. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait dit Tanazzalu mala'ikatu, c'était suffisant de mentionner le mala'ika sans mentionner Jibril. Et là, mentionne Jibril pour montrer l'importance de Jibril. Et là, il mentionne le fait de rompre les liens de parenté tellement ces liens de parenté sont importants dans le fait, justement, de commettre cette turpitude sur la terre. Alors, comment la personne peut faire partie des gens de la sunna et du consensus s'il se sépare, s'il commence déjà à se séparer de la famille. Alors que ça rentre dans la sunna, parce qu'il doit obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a des textes à ce sujet, et aussi wal jama'a, parce qu'il divise le groupe. Les groupes sont composés de familles, et de tribus, et de peuples. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toujours, vis-à-vis de cela, dans un hadith qui est rapporté par Muslim, la yatrulu jannah qatir rahim. N'entre pas au paradis celui qui rompt les liens de parenté. Celui qui rompt les liens de parenté. Des fois, les gens vont dire, mais c'est des tantes, c'est des cousines, c'est des ceci, c'est des cela. C'est pas automatiquement obligatoire que ce soit directement avec le khulwa. Mais ça peut être par téléphone. Imaginez-vous, elle devient veuve. Elle devient veuve. C'est une femme. Même si c'est ta cousine, tu n'as pas le droit d'être avec elle. Là, tu peux prendre le téléphone et lui demander si elle a besoin de courses. Si elle a besoin de ceci, si elle a besoin de cela. Tu vas l'aider. Il a créé dans ce moment-là. Il y a des choses qui sont bien sûr permises. S'il y a des choses qui sont pas permises, il y en a d'autres, alhamdoulilah, qui sont permises vis-à-vis de cela. Donc le fait de garder les liens de parenté. Car Shaytan, n'oubliez pas que c'est là où il va énormément œuvrer justement pour que la famille se divise. Donc il faut bien sûr être un ennemi évident de Shaytan et d'œuvrer en sorte pour que cela n'arrive pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours vis-à-vis de cela, rapport aux hadiths rapportés par Al-Bukhari Muslim, من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أفعاله فليصل رحمه. Celui qui aime ou qui désire que son risque, que sa subsistance soit élargie et que son âge augmente, qu'il garde donc, qu'il tisse donc les liens de parenté. On va dire comment? Alors que c'est écrit, l'ange lorsqu'il vient insuffler donc les quatre choses dans Rahim de la femme, donc c'est déjà prédestiné. Donc bien sûr il y aura une différence quand même. Non, il y aura une différence. Car ce que l'ange insuffle, c'est pas automatique qu'il soit exactement comme ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait l'ouh et le mahfoud. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait l'ouh et le mahfoud. Il peut avoir des stylets. Donc le qadar, là, à ce moment-là, il peut être différent. C'est-à-dire, celui qui sera immuable, qui ne va pas changer, c'est celui qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui que l'ange a insufflé, il peut changer. D'abord par le doigt. On sait bien que l'aïrod au qadar est la doigt. Qu'on sait que, donc, ne repousse pas le destin, hein, que le salaire, sauf la vocation. La vocation peut repousser le destin, et aussi les liens de parenté. Et aussi les liens de parenté. Et comme le dit Cheikh Obeid, Al-Jabali Hafdhullah dit, les ulama ont dit, tous les 90, 100. C'est-à-dire que si la personne devait mourir à l'âge de 90 ans, Allah peut lui rajouter 10 ans. Donc c'est un exemple. C'est pas obligé que ce soit un chiffre qui peut être comme ça. C'est pas obligé que ce soit un chiffre qui va être automatiquement, c'est-à-dire tous les 90 ans, c'est pas 10% en plus ou quelque chose comme ça, non. Mais il y a une augmentation de l'âge, non, réelle, réelle. Si l'ange a écrit que tu devais mourir à 88 ans et que tu as respecté ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prescrit, tu peux donc mourir à 92, 95, 97, Allah Amen. Et la même chose pour ton risque, la même chose pour ton risque qui est donc ta subsistance, que ce soit tes biens, tes terres, tes enfants. Et aussi, Anas radhiyallahu anhu rapporte, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari dans Adab al-Mufrad, et il est authentifié par Al-Bani, rahmatullah alayhim, Baban yu'adjalana fi dunya, Al-Bari wa qati'atu rahim. Deux portes dont on s'empresse dans la vie d'ici-bas, c'est des portes de charme, dont en vérité le châtiment vient rapidement dans la vie d'ici-bas. C'est Al-Bari, la transgression, wa qati'atu rahim, le fait de rompre les liens de parenté. Al-Bari, donc la transgression, et qati'atu rahim. Non, donc celui qui aime faire du mal aux gens, Allah subhanahu wa ta'ala va le châtier rapidement. Et celui qui commet justement ses actes, en désobéissant aux parents, en les laissant de côté, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui descendre directement le malheur. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a vanté Ibrahim et Isa parmi les meilleurs prophètes, parmi les meilleurs envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il dit qu'ils sont bien obéissants envers leurs parents, et pour Isa, obéissants envers sa mère. Et après il dit, wa lam yakun jabbaran shakriya. Il dit, il n'était pas jabbar. Et les ulama, certains ulama ont dit que le jabbar c'est celui qui a tué deux personnes. C'est celui qui a tué deux personnes. Parce que celui qui tue une personne, c'est possible qu'il l'a fait exprès. C'est possible qu'il l'a pas fait exprès aussi. Mais celui qui tue, après encore avoir tué, il faut vraiment avoir, à ce moment-là, totalement plus de cœur. concerne Jabbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala a appelé ceux, donc dit que ceux qui obéissent aux parents ne sont pas des Jabbar. Et dit Shaqi, malheureux. Ils sont malheureux, ceux qui obéissent aux parents sont malheureux. Car celui qui obéit aux parents est heureux. Donc il va être Jabbar et il va être Shaqi, malheureux. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui descendre rapidement ce châtiment dans la vie d'ici-bas. Rapidement, ce châtiment va être justement descendu dans la vie d'ici-bas. On voit qu'on reste toujours, de toute façon, dans le cercle de Al-Sunnah wa Al-Jama'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre chapitre, il dit, c'est un hadith rapporté par Tabarani, il a été considéré ou déclaré comme bon chez l'imam al-Albani, rahmatullah alayhim jami'ah, mais istaghfara lil mu'minina wal mu'minati, kataba Allah lahu bi kulli mu'minin wa mu'mina hasan. Celui qui demande pardon à tout croyant et à toute croyante, à tous les croyants et à toutes les croyantes, Allah lui écrira pour tout croyant et toute croyante une hasan. Et ça, c'est de Adam jusqu'au dernier. C'est pas juste les vivants de cette époque. C'est de Adam jusqu'au dernier. Inch'Allah, des milliards. Inch'Allah, des milliards de personnes. Énormément de personnes. Donc, ça te protège et ça fait que tu ne sortiras pas du cercle toujours de Al-Sunnah, et en plus, il y a quelque chose en plus dans cela, c'est que tu ne vas pas détester les musulmans. Tu vas apprendre par cela à aimer les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala va entrer dans ton cœur justement l'amour de ces musulmans. Bien sûr, l'amour du musulman, elle est selon sa foi. Tu aimes la personne selon sa foi. Tu le détestes selon sa foi parce que tu aimes pour Allah et tu détestes pour Allah. Et c'est ça. C'est ça, c'est de cette façon qu'on va compléter notre foi. On va compléter notre foi par aimer en Allah et par le fait de détester en Allah. Plus la personne va commettre de péché, plus elle va être détestée. Moins la personne va commettre de péché, moins bien sûr elle sera détestée. Plus la personne va commettre de bonnes œuvres, plus elle sera aimée. La première personne que tu aimes parmi les musulmans, c'est bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a bien sûr la foi la plus complète, qui a la foi complète. Et après, al-amthal fal-amthal, c'est-à-dire ceux qui viennent juste après, les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, vis-à-vis de cela, mentionner les meilleurs des prophètes, les meilleurs des prophètes vis-à-vis de cela. Lorsque Nuh, alayhi salatu wa salam, dit « Rabbi khfilli wa li walidayya wa li man dakhala bayti mu'minan wa li mu'minin wa li mu'minat » Donc il dit subhanahu wa ta'ala, en mentionnant Nuh, qui dit « Oh mon Seigneur, pardonne-moi, ainsi que mes parents et ceux qui entrent dans ma demeure, croyants et les croyants et les croyantes. » Donc il commence par lui-même. En islam, on commence par soi-même. C'est pour ça qu'on dit « Ana wa anta », moi et toi. On se stoppe d'abord soi-même. C'est ça. Au niveau de la religion, on commence par soi-même. Et après, par les plus proches. Et mes parents. Et ceux qui entrent dans ma demeure. Donc ça peut être les cousins, les cousines, les proches, les amis proches, la famille. Donc les oncles, les tantes, les neveux. Donc c'est toujours ceux qui entrent dans ma maison. Et les croyants, les croyantes. Ceux que je ne connais pas. Mais il y a quand même une dua pour eux dans l'invisible. C'est-à-dire que tu vas invoquer pour eux alors que tu ne les connais pas. Et tu auras non seulement des hasanat, mais en plus tu auras bien sûr les anges qui vont dire et tu auras toi la même chose. Voilà, calmez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi mentionné la dua d'Ibrahim qui ressemble et qui est proche de cette dua, de celle de Nuh, lorsqu'il dit Rabbana khfilli wa li walidayya wa lil mu'minin yawma yaqum al-hisab. Et ça, c'est une dua qui est permise de dire dans sujoud. Parce que ça a été aussi authentifié dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est une dua que tu peux dire dans sujoud. À ce moment-là, ça ne sera pas une récitation du Coran, mais ça sera une dua. Ça ne sera pas une récitation du Coran, mais ça sera une dua que tu peux dire justement en sujoud. Ô notre Seigneur, pardonne-moi, ainsi que mes parents et les croyants, le jour où les comptes seront levés. Les comptes seront levés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en mentionnant et en vantant les mérites des croyants, il dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ. Et ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent ô notre Seigneur, pardonne-nous ainsi que nos frères qui nous ont devancés dans la foi. Et ça, c'est un rôle, c'est une réponse. C'est une réponse a énormément de sectes qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement ou indirectement. Il y a ceux qui les insultent directement, c'est clair. Il y a ceux qui les insultent indirectement en disant que la loi ou la science des khalifs est meilleure que la science des salafs, par exemple. Ou en disant qu'ils sont des hommes, on est des hommes. Donc ils réfléchissent, ils ont, comme s'ils avaient usé de l'art, tout simplement, et nous aussi. Donc ça c'est une insulte, même si elle est indirecte, même si elle n'est pas de la même nature que l'insulte des rawafid. Donc il est interdit d'insulter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et apparemment j'ai vu dans le programme qu'il y aurait justement un chapitre ou un thème sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit bien, pardonne-nous ainsi que ceux qui nous ont devancés dans la foi. Car lorsque tu fais dua envers ton frère dans l'invisible, Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève de ton cœur cette hantise, cette haine et cette jalousie. Allah fait disparaître de ton cœur ces choses-là. Et après il dit, « وَلَا تَجْعَلْتِ قُلُوبِنَا غِلَا لِلَّذِينَ آمَنُ » Et n'entre pas dans nos cœurs justement la hantise ou la haine de ceux qui ont cru. « رَبَّنَا إِنَّكَ عَرَفُ الرَّحِيمُ » Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc il termine bien sûr comme quoi Allah est pardonneur et miséricordieux. Pardonneur et miséricordieux. Tu veux recevoir le pardon et le miséricordieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc demande pardon envers tes frères et sœurs. Donc ce qui est venu à la fin du verset, c'est un rapport, un lien avec ce verset. C'est jusqu'à quelle heure? Il est 49, je continue? Ok, je continue. Et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, par sa grâce envers ses serviteurs, il nous a descendu énormément d'anges qui l'obéissent et qui ne nous désobéissent en rien. Et en plus, ces anges nous aiment, ils nous protègent, ils demandent pardon pour nous si on fait partie de Tolab al-Ilm, les infrénimi. Ils nous protègent, ils nous couvrent de leurs ailes et ils demandent pardon pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, regardez l'amour des anges envers les croyants. L'amour des anges envers les croyants. Parce qu'ils sont alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils aiment les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc l'invocation du musulman envers son frère, dans l'invisible, c'est-à-dire en secret, sera exaucée. L'invocation du musulman envers son frère en secret est exaucée. Et au-dessus de sa tête, il y a un ange. Au-dessus de sa tête, il y a un ange qui a pris cette fonction-là. Donc qui est venu pour ça. Il a une fonction. Et sa fonction, à chaque fois que tu vas invoquer pour ton frère, dans le bien, l'ange dira Amin walaka bimith. Walaka bimith. Donc il dit Amin. Amin, ça veut dire qu'il s'agit de Allah. Exauce ou Allah. Amin veut dire istajib ya Allah. Exauce ou Allah. Et tu auras la même chose. Hadith rapporté par le même muslim. Et les salafs disaient, rahmatullah alayhim, lorsque on voulait qu'Allah nous exauce, ben, on faisait dua envers nos frères. Lorsqu'on voulait qu'Allah nous exauce, on demandait quelque chose pour notre frère. On invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour notre frère. Donc tu fais de cette façon, et c'est une façon de pouvoir, donc c'est une wasila, c'est une wasila qui est surpermise, c'est une wasila qui est permise. Et toujours parmi les choses, donc on voit qu'on n'est toujours pas sorti de Al-Jama'a, le fait de vouloir rester toujours en groupe. Les choses les plus importantes, on retrouvera toujours, de toute façon tout, dans tous les sens, on retrouvera toujours tout le groupe. Mais il y a des choses qui appuient, qui vont venir appuyer. En plus non seulement, elles protègent le groupe, mais en plus elles mentionnent directement le paradis. Elles mentionnent directement le paradis. C'est pas comme des textes qui viendront ne pas spécialement mentionner le paradis. Les bienfaits du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les bienfaits du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une des adorations les plus importantes. Et c'est pour ça que les imams les plus importants en ont parlé. On retrouve, que ce soit le même Nawawi, que ce soit le Nasa'i ou d'autres. Et maintenant, parmi les livres actuels, donc, le Kalima Taïba, le Cheikh Ibn Taymiyyah, par exemple, ou bien aussi, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, aussi, Cheikh Abdelrazak Abbas, qui a écrit Fiqh al-Ad'iya wa al-Afkar, en 4 tomes, ou en 2 gros tomes, donc il y a dans ce livre toute la science des invocations. Tout ce qu'il y a à savoir sur les invocations. Et bien sûr, c'est un des meilleurs livres qui existe, celui de Cheikh Abdelazak Abdelallah Abdelwajal. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. Il dit à la fin, سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عاد الله له مغفرة وأجرا عظيما. Certes, les croyants, mais certes, les musulmans et les musulmanes, et les croyants et les croyantes, et ceux qui prient et celles qui prient, et ceux qui se rappellent abondamment d'Allah et celles qui se rappellent, Allah l'aura. Donc, préparez un pardon et une énorme récompense. Un pardon et une énorme récompense. Donc, le pardon, c'est dans la vie d'ici-bas, l'énorme récompense, il l'aura dans l'au-delà. Il l'aura dans l'au-delà. Si on voit les adillas et les hadiths vis-à-vis des rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala et des places qu'elles ont, on n'arrêterait pas d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. On ne laisserait pas une seconde, on ne perdrait pas une seconde dans le fait qu'on oublierait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement il y a des adillas qui sont adibs, qui sont étonnants. Parmi les preuves, c'est que ceux qui, justement, qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ça, dans les quatre, en disant subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Donc ces paroles, elles manquent. Elles tournent autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le bourdonnement d'un bourdonnement d'un abeille. Et le bourdonnement, c'est ton nom à toi qui est cité. C'est ton nom à toi qui est cité. Tu t'appelles Mohammed ibn Abdillah. Donc Mohammed ibn Abdillah, avec son nom de famille ou pas, sera cité et tourne où? Auprès des meilleurs anges qui sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est-à-dire autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres Abdillah qui sont des soins encore plus étonnants que cela, ou autant étonnant que cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il y a énormément de récompenses dans ces doigts. Il y a énormément de récompenses dans ces doigts. Énormément de récompenses dans ces doigts. La prière, c'est déjà une doigt. La prière, c'est déjà une doigt. Donc avant de citer quelques récits vis-à-vis de doigt, bon, sachez que la doigt compose trois piliers. La meilleure doigt, la meilleure façon de faire doigt, c'est justement de la départager en trois parties. C'est que la première partie, tu vas louer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs. Tu vas vanter Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas louer, tu vas l'honorer subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs. Et dans la deuxième partie, tu vas dire que tu es l'un des serviteurs, ou tu vas mentionner par exemple les adorations que tu as faites, ou tu vas dire que tu es un serviteur faible, l'un fait, selon ton choix. Et dans la troisième, tu vas demander ce que tu as demandé. Tu vas demander ce que tu as demandé, ta requête. Parmi les preuves, c'est par exemple Sayyid al-Istighfar. Parce qu'on dit Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Donc là, on voit qu'on commence par louer Allah subhanahu wa ta'ala. On vante Allah subhanahu wa ta'ala, on le loue. Donc après, tu dis bien à un moment donné ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata't. Donc en ce moment, tu te mentionnes toi. Tu parles de ce que tu fais, comme quand tu es son serviteur. En plus, tu dis bien que tu as des péchés l'akhli. Et après, à la fin, tu dis bien farfelli fa innahu la yakhiru dhunuba illat. Donc tu as demandé quelque chose. Et encore mieux, ou encore plus flagrant que cela, c'est dans Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, c'est une doua. Et elle est exactement donc répartie de la même façon. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm al-Din, tu as loué Allah subhanahu wa ta'ala par les trois types d'unicité. Les trois types d'unicité. Donc, parce que tu retrouves dedans, donc Al-Uluhiyya, Al-Rububiyya et Asma al-Sifat. Et qu'est-ce que tu dis après? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu parles de toi. Donc tu mentionnes les actes que tu fais lorsque tu dis Yakan Abudu ou Yakan Astarin. Donc tu es bien en train de mentionner tes actes qui sont à toi sans entrer dans le détail. Et après, ce que tu dis, et après tu rentres dans le détail, c'est là tu demandes c'est quoi, c'est pas une doua, c'est pas une doua, le reste c'est justement tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider. Donc on retrouve dans le Fatiha qui mentionne non seulement tous les types d'unicité, les piliers de la vocation et aussi les piliers de l'adoration. Et les piliers de l'adoration, ils sont mentionnés où? Ils sont mentionnés dans la première partie de l'Fatiha. Si on voulait parler par exemple des vertus de l'Fatiha. Lorsque tu dis Alhamdulillah Rabbil Alameen, c'est-à-dire les piliers de l'adoration sont au nombre de trois. Le Choub, Kamal al-Choub, Kamal al-Khouf wa Kamal al-Raja. Donc, l'amour complet d'Allah subhanahu wa ta'ala, la peur complète d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'espérance complète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamd, c'est ce qui va, ce mot-là, le Hamd, va englober toutes les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala entrent dans ce Hamd, entrent dans cette louange, Alhamd, qui est la meilleure ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu après l'aile d'Allah dans la bouche du serviteur. Allah te donne un enfant, il est né le 5 juillet. Tu as dit Alhamdulillah parce que ton fils est né il y a une heure, il y a 10 minutes. Tu as remercié Allah subhanahu wa ta'ala, tu as été reconnaissant. Ton mot, Alhamdulillah, il est plus important près d'Allah que la naissance de ton enfant. C'est une plus grande grâce, c'est une plus grande grâce le fait que tu as réussi à dire Alhamdulillah que l'enfant qui est venu. Toutes les choses de la dunya ne valent rien devant le mot Alhamdulillah. C'est pour ça qu'on loue Allah subhanahu wa ta'ala, on aurait pu louer par énormément d'autres, énormément d'attributs, mais on est passé par Alhamdulillah, parce que c'est la tête, c'est par Alhamd que passe tout. C'est-à-dire tous les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala sont conditionnés et passent sous le Hamd qui est la tête de toutes ces louanges. D'après, donc tu as loué, donc c'est quoi? C'est Hamd. Lorsque tu loues celui que tu aimes, donc tu as aimé Allah subhanahu wa ta'ala. Après tu dis Ar-Rahman, Ar-Rahim, le miséricordieux, le tout miséricordieux. À ce moment-là, on revient à quoi? On revient à la miséricorde. Tu espères la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tu as œuvré. Parce que tu as œuvré. C'est pour ça que tu espères la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après tu dis, Malik yawmiddin, Seigneur du jour de la rétribution, de la rétribution, rétribution. Donc, c'est quoi ce moment-là? C'est la peur. Ce jour-là comprend 80 noms. Comprend 80 noms. C'est ce jour où les gens vont demander aux prophètes d'intercéder envers eux. Eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent rien faire. Ni les parents, ni les enfants. Les parents se sauvent de toi. Tu te sauves de ses enfants. La femme enceinte fait tomber son enfant. Il a créé. On part. Même les autres prophètes ne peuvent rien faire. Il n'y a plus le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui aura ce jour-là. Donc qui sera, qui Allah subhanahu wa ta'ala va donc justement l'amener dans ce qu'on appelle le maqam al-mahmoud. Parce que les gens vont dire Alhamdulillah. Car là justement va commencer les comptes. Commencer les comptes. Et les gens ils vont dire Alhamdulillah. Donc c'est pas terminé, c'est que commencer les comptes et les gens vont dire Alhamdulillah. Parce que, en plus, toujours vis-à-vis du Hamd et vis-à-vis de Yom Kippour, donc il y a toujours, donc c'est un aparté, mais c'est bien de le donner, d'en avoir parlé. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, le jour dernier, aura dans ses mains, va porter un étendard, un drapeau. Il aura un drapeau dans ses mains. Et ce drapeau, il l'appelle l'Iwa al-Hamd. L'Iwa al-Hamd. Le hadith, il est sahih. Et sera derrière lui tous ceux qui disent beaucoup Alhamdulillah. Alhamadoun. Alhamadoun. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, tout prophète ce jour-là sera derrière moi. Il dit que je vais porter le drapeau du Hamd ou à la fac. Et il n'y a pas de vantardise. Je suis le meilleur des fils d'Adam. Il n'y a pas de vantardise. Je suis celui qui va porter le drapeau. Et ça sera le drapeau du Hamd. Et tous ceux qui disent Alhamdulillah, donc sera énormément. Et comme le disent les ulama, plus tu dis Alhamdulillah, plus tu seras rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour dernier. Plus tu seras rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour dernier. C'est pour ça qu'on trouve Alhamdulillah awwalan wa akhira. Les gens qui vont rentrer au paradis vont dire Alhamdulillah. Ils vont dire, c'est pas pour être, ces mots sont venus dans le Fatiha, dans le début du Coran. D'accord, père. Donc on va terminer juste le hadith pour que maintenant c'est terminé. Donc par rapport à ça, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kalimatan khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan habibatan ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam deux paroles légères dans la langue, lourdes dans la balance, aimées auprès du miséricordieux subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Ce verset aussi, ce hadith comprend aussi énormément de vertus et de valeurs. Il dit sallallahu alayhi wa sallam kalimatan, deux paroles légères dans la langue, c'est-à-dire que normalement elles sont faciles à dire pour tout le monde, et lourdes dans la balance. Là on voit deux contraires, on voit deux contraires, quelque chose qui est léger mais qui est lourd en hasanat, lourd dans la balance. Et c'est aussi un délil, en parlant rapidement, c'est aussi un délil que les œuvres vont être pesées, elles vont, Allah subhanahu wa ta'ala va les créer en poids, en quelque chose qui sera donc physique et qui sera pesé dans la balance. Et après il dit aussi aimé auprès du miséricordieux. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le miséricordieux. Car ça, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir dire des mots légers, mais avoir énormément de récompenses. Avoir énormément de récompenses. Et il finit par la suite, donc, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim. Encore une fois, on voit subhanallah et alhamdulillah. Subhanallah, c'est le fait d'exempter et d'innocenter Allah de tout défaut. C'est le meilleur mot pour exempter et innocenter Allah, subhanallah wa ta'ala, de tout défaut. Et alham, c'est le meilleur mot pour justement louer Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour clôturer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas commencé, il aurait pu commencer par subhanallah wa bihamdihi, subhanallah adim, sont les meilleures paroles, ou bien sont lourdes dans la balance, il les a laissées à la fin, afin de donner envie à la personne d'écouter. Il donne un bout de phrase. Les gens ont envie de savoir qu'est-ce que c'est. Il termine, il continue un autre bout de phrase, on veut savoir ce que c'est. Il continue encore un autre bout de phrase, et après il donne le résultat. Et après il donne justement le résultat, et ça pousse. Et ça c'est justement aussi toujours parmi les styles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour pousser les gens à écouter et à être justement assidus à ses passages dans son écoute. Barakallahu fikum, subhanakum wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.